mauvais temps ka ou les ka fante tout. Si vous éclairez tellement fort, il tellement fort, il ka déchiré tout fil tchamoué. Souffle bateau apparaît pour chalfiger. Mais matelot à qui aboie, c'est lui qui m'a dit qu'à mener, il parle pour rien. Yeah.